L'été est là et avec la belle saison arrivent parfois des avaries, comme l'infiltration d'eau dans la maison ou ailleurs. Pour tous travaux de nettoyage, faites appel à ProNet, groupe urgence sinistre, communément appelé GUS, de vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence ouverts 24 heures sur 24. Nettoyeur aussi d'échangeurs d'air et de conduites de ventilation. Pour nous rejoindre, composez le 88-679-4178. Monsieur Régent Côté et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à l'organisation des championnats canadiens de vélo de montagne qui a lieu en fin de semaine au Toboski de Saint-Félicien. Parler de soccer local, il y a Saint-Prime, évidemment, c'est une petite municipalité Saint-Prime qui a plusieurs équipes. Ça m'a toujours impressionné de voir qu'apparemment que c'est très dynamique à Saint-Prime également. Question d'en savoir davantage, ça va aussi bien cette année. Je pense qu'on a une nouvelle présidente, on parle à Edith Gauthier. Bonjour Madame Gauthier. Madame Gauthier, est-ce que c'est la première année que vous êtes présidente? C'est ma seconde année en tant que telle. J'ai pris la relève de M. Daniel Gagné, qui avait fondé le club il y a de ça une quinzaine d'années. Donc, j'en suis à ma deuxième. Comment vous trouvez votre expérience? C'est sûr que la première année, c'est toujours difficile, c'est toujours long, c'est d'apprendre des dossiers, mais là, la deuxième année, ça doit mieux aller, là. Je vous dirais que d'une année à l'autre, il y a toujours des différentes problématiques qui sont présentes d'une année à l'autre. Donc, on essaie de s'ajuster de saison en saison. Puis, il y a une année, l'an passé, ce qui était difficile, c'est que la saison a été retardée parce qu'on avait eu un dégel très tardif. Nos terrains ont été prêts une semaine plus tard. Donc, ça nous a mis un peu en retard par rapport à tout ce qui est l'inscription au niveau régional. Tandis que cette année, c'est le contraire, il fait tellement froid que les inscriptions ont été tardives, donc il y a des joueurs qui se sont ajoutés encore la semaine passée. J'invitais des joueurs dans les équipes qui décidaient de jouer au soccer, donc c'est différent de l'année. OK. Donc, et cette année, comment ça va les inscriptions? Comment ça va? Pour l'instant, on a quand même des équipes, nos équipes qui sont les joueurs les plus jeunes, donc âgés de 5 ans à 10 ans, eux vont avoir un circuit qu'on appelle local. Donc, ce sont des équipes qui vont jouer dans un petit circuit qui part de Dolbeau et qui va jusqu'à Chambord en tant que tel. C'est un circuit amical, donc il n'y a pas de statistiques de tenue pour savoir qui gagne, qui perd. Donc, le but, c'est d'affronter des équipes différentes et pour le plaisir de jouer. À partir de 11 ans, les équipes sont structurées sur une ligue qu'on appelle régionale. On a comme deux niveaux. On a un niveau récréatif, un niveau compétitif. Nous, à Saint-Prime, on est plus dans le niveau récréatif en tant que tel. Donc, on a une équipe en U12 masculin jusqu'à présent dans leur division récréative. Ils sont premiers au classement, donc ça va très bien pour les garçons. On a une équipe de 16 ans féminine. Eux autres aussi sont dans un niveau récréatif compétitif, donc il y a juste un niveau. Okay. Actuellement, ils sont troisième au classement général. Donc, les équipes compétitives sont comme devant elles, mais au niveau récréatif, ils se tirent bien. Puis on a une équipe de division senior féminine qui est en division 2. Eux, présentement, sont deuxième au classement général. Donc, ça va quand même bien pour les équipes. OK. Du côté, maintenant, des inscriptions, mais on me disait que Poirota, c'est probablement Saint-Prime qui a le plus de joueurs de soccer là, par Poirota de population. Est-ce que c'est encore le cas cette année? Ben, cette année, je ne pourrais pas comparer avec les autres clubs, mais sauf que quand on a eu notre rencontre régionale l'an dernier, il disait que au niveau provincial, au niveau du soccer provincial, le Québec vise d'avoir un taux de participation de 2,37% de la population. Okay. Ça, c'est l'objectif qui vise pour 2018. Et nous, actuellement, on a 125 joueurs. Si on ramène ça sur notre population, c'est à peu près à 4,45% de notre population qui joue au soccer. Donc, on a le double de la moyenne provinciale en fait. Okay. Pour l'année 2015, il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans, on était à tout près de 10% de notre population qui joue. Oui, monsieur. Donc, notre taux est élevé par rapport au reste de la province. Puis on a quand même diminué un peu au fil des années, mais là, on vient stabiliser pas mal dans ce point-là, entre 4 et 5. Dites-moi, l'équipe senior, vous n'avez pas d'équipe senior, hein, puis c'est tout âge. Est-ce que ça, c'est possible? Il y a une possibilité qu'on ait une équipe senior en division 3, peut-être? Nous, actuellement, on a une équipe senior féminine, mais elle est en division 2 cette année. En passant, on avait une équipe en division 2, une équipe en division 3. Cette année, on a regroupé les deux équipes pour garder uniquement notre division 2. Du côté masculin, on a déjà eu une équipe senior à Saint-Prime, mais les joueurs, c'était des joueurs qui venaient de Saint-Félicien, de Robertval. Et finalement, depuis 2 ans, les joueurs de Saint-Prime ont décidé de se regrouper soit à Saint-Félicien ou soit à Robertval. Donc, les joueurs de Saint-Prime jouent dans les deux clubs de chaque côté de nous. OK. Les bénévoles, comment ça va de ce côté-là? Parce que même à Dolbeau, c'est difficile de trouver des bénévoles, puis c'est en plein été. Imaginez-vous, à Saint-Prime, une petite localité, Est-ce qu'on réussit quand même, comment qu'on réussit à se trouver des bénévoles pour faire fonctionner le club? Ça doit être difficile. Ben ça, c'est quand même difficile au niveau bénévole en tant que tel, d'aller chercher des bénévoles réguliers. C'est plus facile d'aller chercher des bénévoles au niveau sporadique. Des fois, comme je prends ce soir, on a une activité qui sont nos jeux techniques de notre club local. Donc, on a besoin de parents bénévoles. Donc là, on fait appel à des parents, c'est pour une soirée. Ça va relativement bien. On a une bonne réponse de la population pour venir nous prêter un main forte pour une soirée. Ça va bien. Quand on demande aux bénévoles de s'impliquer pour suivre une équipe toute la saison, ça, c'est plus difficile en tant que tel. Mais on a quand même une équipe de bénévoles. C'est toujours les mêmes personnes qui reviennent d'année en année. Grosso modo, sur le conseil d'administration, on est 4 personnes bénévoles avec notre responsable des loisirs, parce que nous, on est un comité de parents sous la tutelle de la municipalité, parce qu'on n'est pas autonome, on fait vraiment partie de la municipalité. Puis on a une équipe de 5 bénévoles entraîneurs, assistants entraîneurs, qui vont aider nos jeunes qui, eux, sont rémunérés pour que ça aille bien au niveau de la saison. OK. Ça, c'est, j'imagine, c'est des emplois de l'emploi d'étudiants, c'est ça? Oui, c'est des emplois étudiants qu'on va rémunérer les jeunes sous forme de contrat, puis dépendamment du nombre de semaines qu'ils ont à faire, puis le niveau d'âge qu'ils ont à gérer en tant que tel. Donc ça, c'est vraiment, c'est des contrats étudiants. OK. Donc j'imagine que la municipalité vous aide beaucoup. Oui, de l'autre côté, on a une bonne apport au niveau municipal en tant que tel, parce que l'un des principales philosophies du club, c'est vraiment la participation de nos jeunes, puis on veut que ça demeure à faible coût. Donc, pour demeurer à faible coût, il faut effectivement que, au niveau des loisirs, la municipalité nous donne un coup de main. On n'a rien à dire de ce côté-là. Ils sont très coopératifs avec nous, ce qui permet justement d'aller chercher nous, tout petits, là, en bas de 11-12 ans, là, on a une très, très, très forte population de jeunes qui jouent au soccer, justement parce que c'est proche, c'est récréatif, c'est à faible coût. Donc, c'est ce qui nous permet de faire bouger nos jeunes. Ben, effectivement. Du côté des terrains, ça va bien aussi de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des travaux, des possibilités de faire d'autres choses là-dessus? On essaie de travailler un petit peu. Je sais que les gens qui viennent jouer chez nous, on a un genre de petit boisier en arrière d'un but où les ballons vont souvent. Là. Les gens trouvent ça tannant d'aller chercher les ballons-là. On essaie de regarder pour mettre un filet, mais c'est des coûts qui sont quand même assez élevés par rapport à ça. Donc, on travaille tranquillement pas vite sur des petits projets comme ça pour avancer, pour suivre un peu l'évolution du soccer au Québec, parce qu'il y a des règles qui changent. Comme cette année, il y avait pour les 7-8 ans, c'est du soccer à 5. Donc, ça demande de nécessité de changer la dimension de nos terrains, la dimension de nos buts. Donc, on y va petit peu par petit peu, puis on essaie de se mettre aux normes du jour. Là, au fur et dernière année. Question, on vient de passer à travers une Coupe du monde féminine de soccer. C'était ici, c'était au Canada. Normalement, il y a toujours une petite hausse de membership suite à une grosse compétition majeure. Les filles, ça va quand même assez bien. Est-ce que vous attendez quand même d'avoir une petite montée suite à ça? Parce que c'était ici, là. Il va peut-être avoir des petites retombées, là. Je le sais pas, parce que quand on parle, on a quand même 2 équipes féminines qui sont assez âgées, donc c'est 15 ans et plus, les joueuses. Quand on parlait de la Coupe du Monde, on a essayé de mousser un peu les compétitions pour peut-être inciter les jeunes à aller peut-être assister à des matchs au niveau régional. Mais ça a pas levé en tant que tel au niveau participation pour des matchs comme ça. C'est sûr qu'entre elles, ils en jasaient, ils écoutaient ça à la télévision. Mais est-ce que ça va hausser le nombre de participations? Je ne sais pas. Je pense que c'est plus l'effet bouche à oreille. Un jeune qui s'inscrit, qui a aimé son expérience, qui amène ses amis, puis qui font du fun ensemble. C'est vraiment ça qui fait qu'on a une hausse de la participation. Okay. Ben, Madame Gauthier, très intéressant. Je vous félicite. Très dynamique s'imprime pour le soccer. Mais ça avait commencé avec Daniel Carrier, qui est encore très impliqué, qui lui a aidé beaucoup à fonder Robertval aussi. Hein. Monsieur Carrier a aidé beaucoup à Robertval aussi, là. Ah, M. Carrier, il a aidé un petit peu partout. Ce qui a été de secteur Robertval, je pourrais pas dire, mais il a chapeauté longtemps toute la petite ligue, là, le 7, 8, 9, 10 ans, faire les horaires, faire la gestion entre les clubs. Il était très dynamique, très proactif de ce côté-là. Puis il est encore impliqué, il fait partie de nos bénévoles réguliers. Même après 15 ans, il est encore présent sur les terrains auprès des équipes. Là. Donc, on apprécie énormément son bénévolat. Madame Gauthier, pour une première entrevue, c'est fort intéressante. On va avoir l'occasion peut-être de se reparler à la fin de l'année. Voilà, Edith Gauthier, la présidente du soccer à Saint-Prime.